Chapitre 8e. Les journées, les soirées, les nuits m'ont été bonnes à Copenhague. Tout germait, tout brillait, tout fleurissait pour moi dans une aurore boréale de l'âme. Un jour, après avoir exploré le musée de Thorvaldsen, j'étais dîné à Klampenborg chez M. Harold Moltke. J'ai vu le Sund après avoir vu le musée de Thorvaldsen. Deux grandes émotions en un jour. Le beau de la nature repose du beau plastique et le surpasse. Alors ce n'est plus l'homme qui est l'artiste, c'est Dieu. J'ai pénétré par les taillis de Klampenborg dans la résidence de M. Harold Moltke. J'ai franchi ce seuil riant où l'on sait si bien accueillir. M. Harold a appris à Glorup l'hospitalité, comme il y a, dès son enfance, appris l'honneur. Il vient d'épouser une personne accomplie de distinction et de grâce. Elle est aussi séduisante et modeste qu'il est brave et cordial. Ils habitent certainement l'un des plus magnifiques lieux du monde. Leur nid est suspendu sur les grandes eaux, sous un toit de jasmin et de rose. Un couple ravissant et une maison noyée de tous côtés dans les lianes, dans les arbres, dans les mélodies et dans les parfums, avec un jardin et des fenêtres sur la mer, c'est ce qui m'attendait. Là, tout est jeune. Une jeune villa, de jeunes voitures, de jeunes fleurs, de jeunes chiens, de jeunes chevaux, de jeunes serviteurs, un jeune amour, l'infini de la vie et du sun de devant soi. Voilà Klampenborg. Avant dîner, nous nous étions promenés pendant 4 heures au bord de la mer, de village en village de pêcheurs. Les filets étaient étendus entre les huttes. Les châteaux et les maisonnettes sortaient du milieu des verdures. J'ai eu un hasard entre mille, un hasard d'horizon merveilleux. La moitié du ciel était grise et la moitié du sun de même couleur. 23 vaisseaux, les voiles déployées, naviguaient çà et là près d'un bateau à vapeur. 7 vaisseaux ont été, tout d'un coup, empourprés d'une lueur. C'était une lueur de soleil indescriptible. L'autre moitié du ciel et l'autre moitié du sun étaient d'un bleu pur, le sun de plus bleu que le ciel. Ces deux spectacles, que j'embrassais d'un regard, étaient d'une religieuse solennité. Après le dîner, nous nous sommes établis sur la terrasse, au-dessus de la mer argentée par la lune. M. Harold m'a apporté des cigarettes et m'a pressé de m'envelopper de son manteau militaire contre l'humidité. Nous sommes restés là en contemplation devant le sun blanchissant et agité, dont les vagues se brisaient à nos pieds dans un rythme divin. En rentrant au salon, j'ai déposé le manteau et je me suis aperçu qu'il était troué de 3 balles. M. Harold Moltke, alors lieutenant de cavalerie, avait reçu ces balles dans une rencontre soudaine où, au lieu de se rendre, il résolut avec 12 hommes de traverser un bataillon ennemi. « Mes amis, dit-il à ses soldats, avec une gaieté héroïque, vos manteaux sont mouillés par le brouillard. Abattez-les sur le devant de vos selles et chargeons. Le feu de l'ennemi et la fumée de la poudre les sécheront. Culbutons le diable, de peur que le diable ne nous culbute. » Il dit, et piquant des deux, l'épée nue au poing, il se fraya un passage sanglant. M. Harold Moltke était alors fiancé à celle qu'il a épousée depuis. Il devait donner sa démission de son grade. Par amour, il le fait, sans la guerre, mais la guerre étant proche, par courage, il demeura à son poste. Il fit brillamment, contre nous, toute la campagne d'Italie. À Solferino, presque jusqu'à la fin de la bataille, il eut une inspiration heureuse. Il avait fixé sur sa poitrine le portrait de sa fiancée. Tout d'un coup, il s'aperçoit qu'il ne l'a plus. Malgré la mitraille qui pleuvait, il regarde et voit étinceler, un peu à sa droite, la miniature qui s'était détachée de son sein. Sans descendre le cheval, il appuie sur un étrier, se penche et saisit le portrait. Il se relève. Un boulet avait passé tandis qu'il se baissait et avait tué le Uhlan qui était derrière lui. À la paix de Villa Franca, M. Harold Moltke donna sa démission, qu'il avait ajournée à cause de la guerre. Il se maria et s'établit à Klampenborg. Il appartient maintenant à la garde de Frédéric VII. Quand il endossa son nouvel uniforme, son valet de chambre danois lui dit « Je le brosserai avec plaisir, cet uniforme-là. Croyez-moi, monsieur le comte, il vaut mieux être capitaine chez nous que général à l'étranger. » Ce valet de chambre est né sur la terre de Glorup, dans une chaumière que je connais à quelques minutes du Grand Belt. Ce paysan, fils de paysan, a, comme ils l'ont tous, le sentiment danois, le patriotisme. Il est ce qu'on appelle ici un Danman, un homme danois. Eh bien, le Danman avait raison. M. Harold a bien fait de quitter l'Autriche pour sa terre natale et de s'abriter, après la tempête, dans son paradis de Klampenborg, où, par les jours de beau temps, le sun est un bleu éclatant, le ciel est d'un bleu pâle. où le soir et la nuit, au clair de la lune, c'est le ciel qui est bleu foncé, tandis que le Sund est d'une blancheur de lys, où il y a enfin comme un hymne alternatif d'amour et de nature. Une semaine à Klampenborg rafraîchie et féconde. Que de belles courses nous avons faites avec ou sans chevaux sur la route d'Elseneur. Cette route étonne à chaque instant par ses perspectives de terre et de mer. Quelquefois le Sund est infini et quelquefois c'est la forêt. On est entre les deux. La forêt, par moments, pousse ses grands arbres jusque dans les eaux, et l'on entrevoit, à travers les encadrements successifs, le détroit toujours nouveau et toujours adorable. Je me suis arrêté à deux maisons très proches de la route et de la mer. Ces maisons, admirablement soignées, sont dans le grand parc. Des guérites rouges et allongées qui tournent sur un pivot et qui préservent par cette rotation les sentinelles de tous les mauvais temps, se dressent devant les bâtiments de Scottsborg. Ce lieu est la résidence d'été du roi. Depuis l'incendie de Frederiksborg, il habite l'une de ses maisons. Frédéric VII a, de Scottsborg, la plus belle vue de son royaume. Il est très sensible, dit-on, au paysage et à la nature. Il a du cœur et de l'esprit. Il est agréable de visage, et pour moi, qui réunis tant de portraits de son aïeul Christian IV, il ressemble beaucoup, quoique dans des proportions délicates et avec une nuance moins mâle. Il faut tomber à genoux devant le Sund. C'est la mer dans toutes ses fougues, dans tous ses bruits, et c'est la terre, sur la côte de Zélande, la terre dans les miracles d'un paysage inépuisable en jardins, en palais, en maisons, en futaies gigantesques. La terre et la mer donc étalent ici ce qu'elles ont de plus rustique, de plus aventureux, de plus divin. La terre est prodigue de bois où se jouent les brises, où courent les cerfs, et de pacages où pèsent des milliers de bâches, jusqu'aux grèves du Sund. La mer porte des centaines de navires, les uns à l'ancre, les autres dans le vent, toutes voiles déployées. Je n'avais jamais rien vu ni imaginé de pareil. L'une des trois ou quatre plus belles pages de la création a été tracée là, sans aucun doute. De Copenhague à Elseneur, la mer est aux autres mers ce qu'est le lac des quatre cantons aux autres lacs. Les circonvolutions, les détours, les méandres de rivage du Sund, les nuances de ses grandes eaux, les pentes et les ombres qui y conduisent sont adorables. L'architecture des arbres par-delà les prairies est merveilleuse. On dirait qu'un Phidias a élevé dans des proportions exquises des parthénons de feuillage, des cités végétales, des édifices aériens, des balcons, des galeries, des terrasses, pour l'admiration de tous les vaisseaux du globe. Les ondulations de la Zélande sont plus marquées le long du Sund que partout ailleurs. Là, elles se déroulent en mètres irréguliers, mais selon l'ordre secret et d'après les lois mystérieuses d'une prosodie éternelle. La vie de la terre et de la mer se développe ainsi, comme un double poème dont les mouvements et les épisodes s'entrecroisent en plis de lames ou en plis de collines, dans un contraste saisissant et délicieux.